Section 30 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Chapitre 30. Ainsi Charlotte ne pouvait trouver de recours nulle part. Tout le poids de la situation retombait sur elle, et c'était elle seule qui désormais pouvait la trancher dans le sens de la résignation ou dans celui de la résistance. Il n'y avait plus à chercher des compromis, il n'y avait plus à espérer des miracles. Il fallait ouvrir les yeux à la réalité, il fallait se prononcer. Tandis que Narbanton disait qu'il était prêt à sacrifier son amour, elle hésitait, elle, à sacrifier le sien pour sauver son père, ou tout au moins pour lui assurer une mort tranquille. Quelle différence entre eux ! Il y avait en lui de la générosité et de la noblesse, c'était un homme de cœur. Et, assise devant le feu, seule dans sa chambre, au lieu de se coucher, elle se mit à évoquer Narbanton devant elle. Oui, il était bien tel que son père disait, doué de toutes les qualités qu'on pût souhaiter dans un mari, jeune, beau garçon, bon, riche, pourquoi ne l'aimerait-elle pas ? Qu'elle le refusât et que son père supportât ce coup, elle ne serait pas pour toujours à l'abri des projets de mariage. D'autres maris se présenteraient, après celui-là. Il faudrait les refuser sans raison valable. Et ainsi, ce seraient toujours les mêmes luttes pour elle. Et pour son père, fidèle à son idée, les mêmes chagrins. À quoi bon résister aujourd'hui ? Pour céder demain. À quoi bon repousser un mari qui, en réalité, ne lui inspirait que des sentiments de sympathie pour en accepter plus tard un qui ne voudrait pas celui-là ? Elle désolerait son père, et en même temps, elle réduirait au désespoir Narbanton qui l'aimait, car il l'aimait sincèrement, elle le sentait. Mais arrivée à ce point dans son raisonnement, elle s'arrêta, indignée contre elle-même. Et quoi ? C'était par de pareilles considérations qu'elle se laissait ébranler ? Il n'y en avait qu'une qui devait l'émouvoir et la décider, la vie, le repos de son père. La question qui se posait n'était pas de savoir si Narbanton était aimable, s'il serait un bon mari, et si elle serait heureuse en l'épousant. C'était là le petit côté, celui de la personnalité égoïste, qui calcule et cherche son intérêt avant tout. La seule question désormais était de savoir si elle se dévouerait pour son père. C'était de cela qu'il s'agissait, et non d'autre chose. Le reste était mensonge, faiblesse ou lâcheté. Elle n'avait que trop attendu et réfléchi. L'heure de la résolution et du courage avait sonné. Serait-elle amante ou bien serait-elle fille, dévouée à Georges ou à son père ? Tandis qu'elle délibérait ainsi avec sa conscience, partagée entre ces deux extrêmes, sans pouvoir se décider pour l'un ou pour l'autre, luttant toujours pour trouver un point de conciliation impossible à rencontrer, son père, dans la chambre voisine, soutenait une lutte non moins terrible, celle contre la mort. Comment était-il ? En proie à la fièvre, sans doute, irrité par l'attente, malade d'impatience ? Que devait-il penser en la voyant incapable de résolution ? Il ne pouvait que douter d'elle et croire qu'elle l'aimait bien peu. Quelle souffrance pour lui, plus cruelle assurément que ne l'était celle de la maladie. Pendant ce temps, que faisait celui auquel elle sacrifiait ce père adoré ? Où était-il ? Que pensait-il ? Elle quitta son fauteuil et s'approchant de la muraille, elle colla son oreille contre la porte. Elle n'entendit rien tout d'abord, mais bientôt un accès de toux éclata dans le silence et quelques mots arrivèrent jusqu'à elle. La voix de son père était saccadée et tremblotante, celle de Narbanton douce et grave. Puis le silence se rétablit et dans la nuit on n'entendit plus que la plainte monotone du vent, dominée de temps en temps par le mugissement de la marée montante. Les heures avaient marché pendant sa douloureuse méditation. La pendule sonna 12 coups. La nuit était à moitié écoulée. Allait-elle laisser passer celle-là encore, comme toutes les autres, sans avoir pris un parti ? Quelle lâcheté ! Plus qu'une lâcheté, quel crime ! Car son irrésolution tuait son père. Elle ne balança plus. Elle ouvrit son bureau, puis, dans un tiroir fermé à clé, elle prit un paquet de lettres, celles de Georges. Elles étaient toutes là, sous un petit ruban. Depuis celle qui lui avait écrite 3 années auparavant, en rentrant à Paris, après lui avoir pour la première fois parlé d'amour, jusqu'à celle dans laquelle il lui disait « Soyez heureuse avec celui qui aura le bonheur de devenir votre mari ». Elle délia le ruban et se mit à lire ces lettres qui étaient classées dans l'ordre de leur réception. bien qu'elles eussent été toutes écrites de manière à pouvoir passer sous les yeux de M. de la Hérodière, elles étaient pour Charlotte pleines de détails intimes et particuliers. Tel mot insignifiant en apparence était pour elle un souvenir, tel autre était une caresse. Que de joie entre ces lignes, que d'espérance! Deux fois, elle relut la dernière lettre. « Adieu, chère Charlotte, car je ne me sens pas la force de vous revoir. Nous nous retrouverons plus tard, et vous verrez que mes sentiments n'ont jamais changé. » Jamais changé? Il avait pu écrire ce mot? Elle prit toutes les lettres et s'agenouilla devant la cheminée. Le feu qui n'avait pas été entretenu était à peu près éteint. Cependant, quelques charbons brûlaient encore sous la cendre blanche. Elle plaça les lettres au milieu de la cheminée. Pendant quelques minutes, les feuilles de papier se tordirent sur les charbons sans s'allumer. Puis, tout à coup, elles s'enflammèrent et projetèrent une grande lueur dans la chambre. Penchée au-dessus du foyer, Charlotte les regardait brûler. Le papier noirci, quelques mots seuls apparurent çà et là en traits rapides et fulgurants, comme des éclairs. Puis une rafale ayant pénétré dans la chambre emporta par la cheminée ses papillons noirs. C'était fini. De 3 années d'amour, il ne restait plus rien, rien que le souvenir. Le lendemain, Charlotte entra de bonne heure dans la chambre de M. de la Hérodière. Sa démarche était assurée, son regard avait repris son ancienne franchise et ne se détournait plus, comme en ses derniers jours, devant celui de son père. Celui-ci fut frappé de ce changement. Il le fut plus encore de l'effusion qu'elle mit dans son baiser. « Tu as à me parler ? » dit-il en tremblant. « Oui, père. » En entendant ces quelques mots, Narbanton se dirigea vers la porte. Lui aussi avait remarqué le changement qui s'était fait dans la physionomie comme dans l'attitude de Charlotte. Et de même que M. de la Hérodière, il sentait que le moment de trancher cette situation si douloureuse pour tous était arrivé. Charlotte allait parler. C'était son arrêt qu'elle allait prononcer. Il ne voulait, par sa présence, peser sur elle. Il fallait qu'elle parlât librement. Et si cruelle que fût pour lui l'attente dans un pareil moment, il croyait devoir se retirer. « Je vous laisse, » dit-il. Du geste, elle lui fit signe de demeurer. « Je ne retourne pas encore à Sarzeau, » continua-t-il. « Je descends dans le jardin, je remonterai tout à l'heure. »« Restez donc, » s'écria M. de la Hérodière. « Si elle vous demande de ne pas vous éloigner, » c'est qu'elle ne nous apporte pas une mauvaise parole. Votre main, mon ami. » Narbanton s'approcha du lit et mit dans la main tremblante du malade sa main qui n'était guère plus ferme. M. de la Hérodière s'était assis sur son lit et de la main droite, il tenait sa fille, tandis que de la main gauche, il tenait Narbanton. Ainsi, tous deux se trouvèrent rapprochés et face à face. « Ce que j'ai à te dire, » commença Charlotte, d'une voix sourde, mais cependant assurée, « c'est qu'après avoir réfléchi, comme tu me l'avais demandé, à la proposition de mariage que tu m'as faite, j'ai pris la résolution de me conformer à ton désir. « Tu acceptes Narbanton pour ton mari ?»« Oui, père, et j'ai tenu à te le dire, devant M. Emmanuel lui-même. « Oh, mes enfants, mes enfants !» Il ne put pas en dire davantage, les larmes lui coupèrent la parole, il retomba sur son lit, épuisé par son émotion. Fin de la section 30.